Exemple d'entretien dirigé. Bonjour, je m'appelle Valérie. Bonjour, je m'appelle Chan. D'abord, on va faire connaissance. Pouvez-vous me dire ce que vous faites dans la vie? J'étudie à l'université, dans le domaine de l'éducation. Et j'aime beaucoup la langue française. J'aimerais être professeur de français ou peut-être faire des traductions. Et depuis combien de temps étudiez-vous le français? J'étudie depuis 1 an seulement. Il y a beaucoup de cours à l'université. Et pour le français, il n'y a pas beaucoup d'heures. Vous êtes de quelle nationalité? Je suis chinoise. Vous habitez quelle ville? J'habite à Wuhan. C'est une grande ville. C'est la capitale de la province du Hubei, au centre de la Chine. Et vous parlez une autre langue? Quelle langue parlez-vous? Je parle aussi un peu l'anglais. Mais j'ai un peu oublié, parce que j'ai étudié l'anglais au lycée et je n'ai pas de cours d'anglais à l'université. Quelle est votre langue maternelle? C'est le mandarin, mais je parle aussi le wuhanois. Qu'est-ce que vous aimez faire en dehors du travail ou des études? J'aime beaucoup faire du sport. Ça me détend après l'université. J'aime nager. Je vais à la piscine. Est-ce que vous connaissez un peu la France? Seulement dans les livres et sur Internet. J'aimerais beaucoup aller en France pour étudier, quand je parlerai mieux le français.